Conte de fées en français. Le joueur de flûte d'Amelin. Il était une fois une petite ville appelée Amelin. Cette ville se situait sur les rives d'une rivière en Allemagne. C'était une ville calme et agréable. Mais il y avait une cinquantaine d'années, le peuple transforma Amelin en un lieu très sale. Ils commencèrent à jeter les ordures sur les routes, à l'extérieur de leur maison et là où ils le voulaient. Même le maire de la ville ignorait la situation. Et la ville finit par être remplie de rats. Les habitants de Amelin souffraient de maladies propagées par les rats. Les rats étaient partout dans la ville. Ils avaient l'habitude de mordre les bébés dans leurs berceaux, de manger le fromage dans les navires et d'ouvrir les caisses de Sprat salé. Ils se nichaient dans les chaussures et les chapeaux. Ils allaient même dans les salles de réunion, dérangeant les conversations avec leurs couinements et hurlements. Oh ! Regardez ! Tous les citoyens se précipitèrent au palais du maire et lui demandèrent de l'aide. Le maire entendit les cris de la foule et sortit. Quel est le problème? Nous voulons que vous preniez des mesures pour nous débarrasser de ces rats dès que possible. Ou nous supprimerons votre groupe. Nous allons nous réunir pour trouver une solution. Donnez-moi un peu de temps. Les gens étaient convaincus par les mots du maire. Le maire organisa une réunion avec le conseil. Même après de longues discussions et de longs débats, il n'arrivait pas à trouver de solution au problème. Tout à coup, quelqu'un frappa à la porte. Entrez ! Un homme entra dans la chambre. L'homme le plus étrange que l'on ait jamais vu. Il portait un long manteau particulier avec une moitié rouge et l'autre moitié jaune. Il était maigre et grand. Ses doigts remuaient d'impatience comme s'il jouait de la flûte. Vous êtes-vous enfui du cirque? Toute la pièce se mit à rire. On m'appelle le joueur de flûte. J'ai un charme secret pour attirer toutes les créatures de la Terre. N'importe quelle créature qui rampe, vole, nage, court ou marche. J'utilise mon charme sur les créatures qui sont nuisibles comme les taupes, crapauds, tritons, vipères et les rats. Les rats? Vous pouvez attirer les rats? Mais comment pouvons-nous vous croire? J'ai libéré le peuple d'une ville africaine d'un énorme essaim de moucherons. Dans une ville asiatique, j'ai sauvé les gens des chauves-souris vampires. J'erre dans le monde entier pour sauver les gens de ces créatures. Parfait! Montrez-nous votre charme et libérez-nous de ces rats. Certainement, monsieur. Mais pour cela, accepterez-vous de me donner 1000 florins? Oui, bien sûr. Tout ce que vous voulez. Qu'en pensez-vous, membre du conseil? Le conseil approuva la décision du maire. Vous devriez commencer le travail maintenant. Le joueur de flûte sortit dans la rue et sourit. Il sortit sa flûte tranquillement. Il commença à jouer 3 notes stridentes sur l'instrument. Comme par magie, tous les rats sortirent rapidement des maisons, des chaussures et des chapeaux, laissant la nourriture qu'ils rongeaient. Les rats gris, blancs, marrons, tous couraient dans la rue. Ils commencèrent à suivre le joueur de flûte. Petit à petit, ils marchèrent à travers la ville jusqu'à la rivière. Le peuple de Amelin profitait du spectacle, leurs bouches et leurs yeux grands ouverts. Le joueur de flûte sauta sur une pierre dans l'eau et resta dessus tout en jouant de la flûte. Les rats tombèrent dans la rivière et se noyèrent. Les uns après les autres, ils sautèrent dans l'eau. Très vite, il n'y avait plus de rats. Amelin était débarrassé des rats. Hurrah ! Hurrah ! Plus de rats, oui ! Plus de rats ! Plus de rats ! Hurrah ! Hurrah ! Plus de rats ! Hurrah ! Plus de rats ! Le joueur de flûte alla voir le maire pour sa récompense. Voilà, j'ai fait mon travail. Il est temps pour vous de tenir votre promesse. Donnez-moi la récompense. Oui, vous avez fait un travail formidable. Mais 1000 florins pour une tâche de quelques heures n'en vaut pas la peine. C'est une grosse somme d'argent pour une seule journée. Mais vous brisez votre promesse. Je vais vous payer 100 florins. Ce qui est plus que suffisant pour un jour de travail. Ce n'est pas juste. Je vais vous montrer ce que je peux faire. Un stupide joueur de flûte comme vous ne pourra pas faire bouger une seule brique de cette ville. Prenez cet argent ou quittez la ville. Le joueur de flûte quitta la salle. Il alla dans la rue et sortit de nouveau sa flûte. Il la mit sur sa bouche et commença à jouer. Mais cette fois-ci, le son était différent. Un par un, les enfants tournèrent la tête et commencèrent à marcher vers le joueur de flûte. Le joueur de flûte commença à marcher et les enfants le suivirent. Leurs parents et tuteurs étaient stupéfaits par la mélodie et ne pouvaient bouger de leur place. Le son du joueur de flûte les paralysait. Le joueur de flûte traversa le pont de la rivière et marcha vers la montagne. Lorsqu'il atteignit un flanc de la montagne, un mystérieux portail s'ouvrit dans la montagne. Le joueur de flûte entra et les enfants le suivirent. La porte se referma derrière eux. La seule personne à l'extérieur était un garçon boiteux qui n'avait pas pu rentrer à temps. Lorsque le son s'arrêta, le peuple courut vers la montagne. Ils ne trouvèrent qu'un seul enfant près de la montagne. Donc, ils lui demandèrent où étaient les autres enfants. Ils sont tous allés dans un portail et le portail se refermait avant que je puisse l'atteindre. Mais pourquoi le suiviez-vous? Le son nous promettait de nous emmener dans un pays merveilleux où le chocolat, les cookies et les gâteaux poussent aux arbres. Il a même dit que je pourrais courir partout sur mes pieds. Vous vous rendez compte de tout ça? C'est incroyable quand même! Les gens se sentirent tristes et commencèrent à pleurer pour leurs enfants, mais ça n'était d'aucune utilité. Oh, mon enfant, reviens! S'il te plaît, reviens! Ils appelèrent le maire et le blâmèrent pour tout. J'ai aussi perdu mon enfant. Je suis désolé pour ce que j'ai fait. Je vous ai apporté 1000 florins. S'il vous plaît, rendez-nous nos enfants. Revenez où que vous soyez, le joueur de flûte. À leur surprise, le joueur de flûte sortit de l'autre côté de la montagne. Tout le monde était soulagé de le voir. Oh, nous sommes heureux de vous voir revenu. Mais où sont les enfants? Ils sont en sécurité, ils vont bien. Ils reviendront lorsque vous aurez tenu votre promesse. Le maire lui donna 1000 florins et immédiatement le portail apparut dans la montagne. Les enfants sortirent en courant et enlacèrent leurs parents. Maman! Maman! Ma grand-mère! Maman! Papa! Joueur de flûte, je vous remercie au nom de toute la ville. Nous vous remercions de nous avoir sauvés des rats et de nous avoir redonné nos enfants. Je ne briserai plus de promesses à l'avenir. Ou sinon, vous perdrez vos enfants et les rats reviendront. Quoi? Mais pourquoi? Votre ville est si sale. Ça attire les animaux nuisibles comme les rats et les insectes. Ils propageront des maladies dans votre ville. Et vos enfants seront malades. Et vous risquerez de les perdre à nouveau. Moi, le maire de cette ville, m'engage solennellement à garder cette ville propre. Nous jetterons nos ordures uniquement dans les poubelles. Et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'il n'y ait plus de rats et de maladies. Oui! C'est promis! Il a tout à fait raison! Promis. C'est entendu. Alors il est temps pour moi de vous dire au revoir. Le joueur de flûte quitta la ville et Hamelin devint une ville propre comme elle l'avait été 50 ans auparavant.